Le premier ministre coréen Park Bong-joo a inspecté les importantes usines et entreprises de la ville de Hamgyong de la province du Hamgyong du Sud. Au complexe de Vinalong 8 février, au complexe d'engrais de Hungnam, au complexe mécanique de Leonsan et à l'usine des électrodes de Hungnam, il s'est renseigné en détail sur la production et l'approvisionnement en matériaux. Il y a organisé des réunions consultatives des fonctionnaires intéressés. Précédemment, il a visité l'usine de préparation de kimchi du Gyeong.